Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans cette 86e Rampage Afrique, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure. Merci déjà pour tous vos messages et dédicaces que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. J'ai regardé ce matin, 541 abonnés. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Et bon, bah, ça se termine bientôt. Hein. Bon, on commencera tout de suite avec Riot of Violence de Creator. C'est sur l'album Pleasure to Kill, leur deuxième album sorti le 1er novembre 1986. On retrouve Ripping Course, Take Their Lives et Pleasure to Kill notamment. Un excellent album qui n'a pas pris une ride. On continuera avec une nouveauté, Time is Hard for White Collars, de le nouveau Nelly Olson. C'est sur l'album The Surface is Too Close, The Bottom is Too Deep, sorti le 10 mars 2017. On retrouve Noisy, Knives Cloud et Kick in the Eye notamment. Un superbe album de ces Lyonnais. Allez sur la page Facebook de Nelly Olson. Ils sont en concert le 13 mai à la Casa Musicale à Saint-Cyr au Mont-d'Or dans le 69. Allez-y, venez nombreux et c'est du bon son. On continuera avec Girls Why Don't You de Madness. C'est sur l'album The Dangerman Session, volume 1, leur 9e album, sorti le 16 août 2005. On retrouve There Is Where, You Lose a Good Thing et So Much Trouble in the World. Et oui, principalement des reprises. On continuera avec une autre nouveauté, Frigide, le nouveau Basta Troika. C'est extrait d'un EP 3 titres, qui s'appelle EP 3 titres, sorti dernièrement. On retrouve Maknochvichna, qui était faite par les Berus, Frigide et Dans ton cul. Vivement un album de, je sais pas, 10-12 titres. Allez sur la page Facebook de Basta Troika, je filerai les liens ultérieurement. Et on finira ce bloc en live avec Getaways de Dimmu Borgir, extrait de la compile Rockhard 175. Ça sent l'album live, tout ça. À faire, à suivre. We'll be right back. power. To the mind, the world, how it was. A dream dropping away with power. Out for what colors? This time is out for what colors? See them jumping up at the fence. This time is out for what colors? This time is out for what colors? This time is out for what colors? We stand chats and panic in the eyes. This time is out for the policies. This time is out for the policies. This time is out for the policies. Smells like cakes at you behind the shields. We don't want trouble with Stockholmers. We don't want trouble with Stockholmers. We don't want trouble with Stockholmers. Time to close and leave with the dividends. For the company, this time is out for the company. This time is out for the company. Can you wash the bitters on the leather seats? This time is out for what colors? This time is out for what colors? This time is out for what colors? See them jumping over the fence. But it's Thomas, such a familiar such a familiar people want to be so divine. People want to be hide yourself. No confusion in the big on tower. The screen. Call your man. We were home. And start twice before. The party is over for you. Run, run. Bam, bam, bam. Little white collar. Hide yourself. Bam, bam, bam. In the big tower. Call your man. Bam, bam, bam. And start your whimpers. The party is over for you. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Girl, I think I love you. Le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets, hein, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Tu pues la merde. T'as fait quoi pour te faire un nom? We'll be right back. Vous êtes bien dans la 86e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'attaquer très fort là. Riot of Violence de Creator. Time is out for White Collar, le nouveau Nelielson. Allez sur la page Facebook de Nelielson. Girl, why don't you de Madness. Frigid, le nouveau Basta Troika. Allez sur la page Facebook de Basta Troika. Et on a fini ce bloc en live avec Getaways de Dimmu Borgir. On continuera cette émission avec... Bon, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais bon. Believer de Mirat, c'est sur l'album Legacy, sorti le 12 février 2016. On retrouve Yasmine, Get Your Freedom Back et I Want to Die. Un excellent album. On poursuivra avec du vinyle. Conquest de White Stripe, c'est sur l'album I Keep Up, leur sixième album sorti le 15 juin 2007. On retrouve You Don't Know What Love Is, Little Cream Soda et Baby Brother, notamment du bon son qui craque et qui croustille. On continuera avec Ministry of Fool de Saxon, c'est sur l'album Unleash the Beast, leur 13e album sorti le 14 octobre 1997. On retrouve Gothic Dreams, Terminal Velocity et Blood Letter, un classique de chez classique. On continuera avec un autre son vinyle, le Mass Protect de Mass Hysteria. C'est sur l'album Le Bien-être et la Paix, leur premier album sorti le 11 mars 1997. On retrouve Knowledge is Power, Donnez-vous la peine et Respect to the Denfloor notamment. Et on finira ce bloc en live avec Propaganda des Slackers. C'est sur l'album Slack in Japan sorti en 2005. On retrouve Watch This, I Still Love You et Walking Gong notamment. Du très très bon son reggae ska. We'll be right back. Mr. Please tell me what you know. I'm gonna tell you something that I know, man. You see, I've been looking around this great wide world and I see a lot of beautiful people. And then I look back home and I look into that government and I say, well, it seems like my congressman to my president are all businessmen just scheming. They tell me who's my enemies and who's my friends, and I'm not sure that I believe them. The street side posters, they're encouraging me peeping. Well, to report my local terrorists and the company they're keeping. Propaganda, it's everywhere I go, it's propaganda. It's on your radio, propaganda. Everywhere I go. So hey, mister, secret meetings in taxi cab garages. Propaganda, it's everywhere I look, it's a propaganda. It's just like in history books, propaganda. It's everywhere I go. Well, hey, Mr. Please tell me what you know. Vous êtes toujours dans la 86e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Believer de Mirat, Conquest en vinyle de The White Strap, Ministry of Fool de Saxon, Mass Protect en vinyle de Mass Hysteria, et on a fini ce bloc en live avec Propaganda des Slakers. On continuera cette émission avec Jack Check de Nashville Pussy, c'est sur l'album Say Something Nasty, leur troisième album sorti le 28 mai 2002. On retrouve Words of Wisdom, The Beach Just Kick Me Out et Keep On Fuck, un bon album qui vieillit bien. On continuera avec Détroit de Red Hot Chili Peppers, c'est sur l'album de Getaway, leur 11e album sorti le 17 juin 2016. On retrouve Dark Naked Cities, Sick Love et Trichodonrega. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Et on continuera avec International Love de Naaman, c'est sur l'album Rays of Resistance sorti le 30 octobre 2015. On retrouve Turn Me Loose, Live Up et Big and Bad. On poursuivra avec Coup d'État de la jeunesse des Berruriers Noirs, c'est sur l'album Invisible sorti en décembre 2006. On retrouve Le Cerf, Le Druide et De Lou, Love in Laos et ma préférée sur ce magnifique album, La Piste Inconnue. Et on finira ce bloc en live avec Rosenkreutz de Lucas Turilis Rhapsody, c'est sur la compil Rock Hard Sampler 2016. Hâte d'entendre un prochain morceau et c'est du steak qui envoie du steak. Voilà. Head for the jack shack till I get a job. I'm welcome.

why tonight I'm not alone. In my loneliness, the old sky, I miss you too. Yes, sir. Upon the beach, me just a walking on. Me walking on, not answer, I understand this. Know that your smile is not longer wrong, girl. I'm gonna journey till my song goes. Vous êtes toujours dans la 86e Vampire Phoenix et c'est Spike qui nous débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Jack Shake de Nashville Pussy que je dédicace au passage à mon copain JPP22 qui est en mer actuellement. On a continué avec Détroit des Red Hot Chili Peppers. On a ensuite écouté International Love de Naman. On a continué avec Coup d'État de la Jeunesse de Berruyer Noir. Et on a fini ce bloc en live avec du très bon son Rosencrantz de Lika Turilis Rhapsody. Retenez bien le nom, Lika Turilis Rhapsody. Et on continuera cette émission avec un bloc 100% français. Como, le nouveau bêta bloqué, extrait d'un album apparaître, c'est au mixage des news très vite. Allez sur la page Facebook de Bêta Bloqué. On continuera avec Non, pas ce soir, le nouveau Fast and Furious. C'est le premier single d'un album qui doit sortir d'ici la fin de l'année. Je vous tiendrai au courant. Allez, page Facebook de Fast and Furious, ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec une autre nouveauté, Jamais de trêve, le nouveau Jim, extrait d'un prochain troisième album. Il est en studio actuellement. Des news très vite. Allez sur la page Facebook de Jim, il est aussi sur Bandcamp. On écoutera ensuite Humain tout simplement de Sync, c'est sur l'album Sync ST sorti en 2016. On retrouve Une autre vie, Serpent et Blackout. Allez sur la page Facebook de Sync et demandez-le pour vous procurer ce superbe album. Le responsable c'est Tanguy, de toute façon vous allez sur Sync, vous tomberez sur Tanguy. Voilà, et on finira ce bloc en live avec Stranded de Gojira, c'est sur le Live at Hellfest sorti en 2016. On retrouve Toxic Garbage Island, Silvera et Backbone notamment. Un magnifique album live. Je sais pas pourquoi elle m'appelle pas, je crois qu'en fait elle veut pas de moi. Faudrait que je trouve des solutions pour la ramener dans mes bras. Je l'appelle tous les quarts d'heure, j'ai même saturé le répondeur, mais elle ne m'offre que des silences en échange de mes fleurs. La première, faudrait ouvrir un dispensaire de tes peines de cœur régulières. Maintenant ça me fout les nerfs. Maintenant ça me fout les nerfs. C'est à cabo mi paciencia, hasta que llegue. No llores más, no más quejas. Mi paciencia fue. Je donnerai tout pour qu'elle m'effleure. Apprends-moi les bonnes manières. Je suis pas de nature séducteur. Comment nourrir ses sentiments à moi qui l'aime à en mourir. La vérité si je mens qu'elle me haïsse à en vomir. Confitant de l'évidence, je prendrai bien quelques vacances. Une pause d'amitié méritée. Si tu pouvais m'oublier. Si tu pouvais m'oublier. C'est à cabo mi paciencia. No llores más, no más quejas. Mi paciencia fue. Se acabó. Levántate. Come on. Cuando. Come on. Cuando.

écoutais vos prières sans percevoir dans leur écho le bruit des armes et le tonnerre. Cet héritage à fleur de peau, cupidité de quelques fiers, la vanité de tous ces mots. J'ai dit non, c'est un peu de chair pour satisfaire quelques égaux. Jamais de drame, des illusions jusqu'à le saigne. La liberté a toujours du sang sur la peau. Stop les prières, la religion n'est que gangrène. Et puis du ciel, l'humanité n'est qu'un flou. Quand le pouvoir a son ivresse, l'habilité nous rend accro. Coupable d'abus de faiblesse, prosélytisme et guerre des mots. Quelques écrits, des manifestes, chacun brandit ses idéaux. Le fanatisme en allégresse, quand le courage nous fait défaut. Jamais de drame, des illusions jusqu'à le saigne. La liberté a toujours du sang sur la peau. Stop les prières, la religion n'est que gangrène. Et puis du ciel, l'humanité n'est qu'un flou. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. nuages qui ballent du monde. J'ai vu la lune éclairer la misère des hommes. J'ai vu les utopistes s'attendrir, mourir triste. J'ai vu la planète s'exprimer, chuchoter, chahuter, dialoguer et partager. J'ai vu la planète s'exprimer. Nous porter, nous former sans heure. Ah, ça, c'est du bon son français qui envoie du bois. Vous êtes toujours dans la 86e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un méga bloc là. Como, le nouveau Beta Bloqué. Non, pas ce soir, le nouveau Fast and Furious. Ils ont fait un super clip aussi à voir sur YouTube. On a continué avec Jamais de Trêve de Jim. Encore une nouveauté. On a continué ensuite avec une autre nouveauté, Humain, le nouveau Fink. Et on a fini avec du gros son Stranded en live de Gojira. On continuera sur cette émission avec on va calmer le jeu, avec Put It On en vinyle de Bob Marley and the Wailers. C'est extrait du 45 tours Eyes of the Sheriff, sorti en 1973. Et oui, Put It On, c'était la phase B. On continuera avec Hear You Calling de Revenge, c'est sur le Best of Revenge, sorti en 2015. On retrouve Nasty for Boys, I Just Wanna Rock et Face to Face du son culte. Un petit coucou à Romain Valbourne au passage. On continuera avec une nouveauté, This Day, le nouveau The Insight. C'est sur l'album The Other Side, sorti en mars 2017. On retrouve The Shout, Workout, Still Alive notamment. Allez sur la page Facebook, un petit like au passage. Et ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec España Va Bien de Scapé. C'est sur l'album Eurosis, leur troisième album, sorti le 28 avril 1998. On retrouve Circo Ibérico, Paramilitar et Americana Latina Libra. Et ça a pas pris une ride. Et on finira ce bloc en Oi, la vraie Oi, et en live avec Skinhead Girl de Dio Prest. C'est sur l'album Live and Loud 2016. On retrouve Fall Bob of Violence, Monkey Man qui est à la base de toute scène de métal, et I Don't Wanna, beaucoup de reprises, mais du son qui arrache la tête. I'm gonna put it on. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. I'm Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su viene de quién, es con tus perros obedientes. Cuando pasen 4 años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Ya ves, este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en la anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Todo. Nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los gateches, no limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentera. No representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien. Va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Y a veces este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Another 3-minute song, this one's called Skinhead Girl. Yeah. nice one. On vient d'écouter Put It On en vinyl de Bob Marley and the Wailers, Hear You Calling de Revenge, le nouveau The Insight, This Day. Allez sur la page Facebook de The Insight et ils sont aussi sur Bandcamp. On a écouté ensuite Espana Va Muy Bien de Scapé et on a fini ce bloc en Oi et en live avec The Oppressed et Skinhead Girl. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Laissez-moi vos messages et dédicaces. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la saison s'achève pour la Vampire Freak. C'est encore 4 émissions et ça sera terminé. Mais cet été, on fera de la rediff sur Indespirit. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec Heartbreaker en live de Led Zeppelin. C'est sur l'album de BBC Session 1970-1971. C'est un double CD. On retrouve Immigrant Song, Dazed and Food Confused et One Little Love du son culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Salut à toutes et toutes, la tribu. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu. Thank you.